Je ne suis pas candidat à la présidence à vie de la République de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ne faites pas que je devienne le plus malheureux des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Celui auquel on refuse tout, la retraite et même le droit de grève. Je compte sur vous pour me permettre de me retirer un jour à Yamoussoukro. Où je pourrais suivre, si Dieu me prête longue vie, la suite heureuse, le travail positif des hommes que nous avons contribué à former, armés de science et d'efficacité. Alors, comme le sage, je pourrais dire moi aussi, en voyant mon pays répondre à mon entente, en voyant mon pays digne des sacrifices que nous avons consenti dans la lutte, en voyant ce pays devenir un pays prospère, surtout fraternel. Dire, vous dis-je, que moi aussi, je n'ai pas vécu inutile. C'est un peu la même tentation que l'on devine dans les propos du Tunisien Habib Bourguiba en 1974, au micro du journaliste français Jacques Chancel, et cela après 18 ans d'exercice continu du pouvoir.